طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue aujourd'hui, aux chers frères, l'explication d'un livre très important, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. On est arrivé à la parole de l'auteur, Babu أو باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. Chapitre, il fait partie de la foi en Allah, le fait d'endurer et de patienter face aux éléments prédestinés par Allah, أقدار الله. Et ensuite, il nous dit l'auteur rahimahullah ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli shay'in alim. Et celui qui croit en Allah, alors Allah guide son cœur et Allah connaît certes toutes choses. Ici l'auteur rahimahullah, il n'a pas cité le verset entièrement, mais on le verra bismillah, on va comprendre, vous allez comprendre le lien entre le verset et le chapitre. Donc ici, le chapitre, il aborde le sujet de sobre, l'endurance, la patience, dans l'épreuve. Et le verset, donc je répète la traduction du verset, « Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur, et Allah connaît toutes choses. » Il se peut qu'une personne, de premier abord comme ça, elle ne voit pas le lien entre le verset et la patience, mais comme je vous l'ai dit, on va le voir « bi'idnillah ». Et d'ailleurs, l'auteur tout de suite après qui explique, qui cite une explication qui est citée dans les exégèses, قال العلقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Et donc العلقمة qui dit, en expliquant ce verset, c'est l'homme qui est touché par une épreuve et qui sait que celle-ci vient d'Allah. Alors, il en est satisfait et se soumet à cela. Il en est satisfait et se soumet à cela. Et donc, premièrement, le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre de l'unicité, c'est que le fait d'endurer face aux épreuves, au mal qui nous touche, fait partie de la foi. Et fait partie de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui gère tout. Nous savons pertinemment que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui gère tout. Et que personne ne gère ce monde en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc lorsque un mal te touche, tu sais que rien ne peut te toucher sans la volonté d'Allah. Alors soumets-toi car tu sais que Allah veut ton bien. Et que le fait de se plaindre et de ne pas accepter le mal qui nous touche, ceci est une faiblesse dans la foi en Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il dit dans son livre, « Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighayri hisab. » Certes, les endurants, leur récompense leur est pleinement accordée sans compter. Leur récompense leur est pleinement accordée sans compter. Ça veut dire que la récompense des endurants est une récompense énorme. Celui qui lit les textes du Coran et de la Sunna, cela va l'appeler à patienter, à endurer, dans la difficulté et dans l'épreuve. Certes, l'épreuve, barakallahu fikoum, c'est une des caractéristiques des prophètes. Les prophètes ont enduré et ils ont patienté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup enduré. Celui qui veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit donc endurer. Car cela fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Ubayd al-Jabiri, il nous dit dans son explication ici, il nous dit: wa man arada an yata'assa la siyama al-muntasibuna ila al-ilmi والمنتسبون إلى الدعوة إلى الله على بصيرة فليتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين فمن انتهج الصبر بلغ المراد بقدر ما ينقص على المرء من الصبر فإنه ينقص عليه ما أراد بلوغه من الأمور سبحان الله. Il nous dit le Cheikh Obeid, il nous dit alors celui qui veut suivre un exemple, alors donc, et particulièrement ce qui s'affilie à la science, ce qui s'affilie à la science, et ce qui s'affilie à la da'wa, ce qui prétend donc faire de la da'wa sur le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance, alors qu'ils suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes et les messagers alayhi mussalatu wassalam. Car certes, celui qui suit cette voie et adopte l'endurance atteindra l'objectif. Celui qui suit cette voie et adopte l'endurance atteindra l'objectif. Car certes, tout ce qui touche l'individu, barakallahu fikoum, tout ce qui touche l'individu est un bien pour lui. On a déjà souvent vu le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit « Ajaban li amri al-mu'min » comme est surprenante la situation du croyant. « Inna amrahu kullahu khayr » toute la situation du croyant est un bien. « Wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min » et cela n'est pour personne, ce n'est que pour le croyant. « In asabat kusara shakar » si c'est un bien qui le touche, alors il remercie. « Fakan khayran lahu » alors c'est un bien pour lui. « Wa in asabat kudara » et si c'est un mal qui le touche, alors « sabar » là il endure. « Fakan khayran lahu » alors c'est un bien pour lui. Donc tu sais pertinemment que ce mal qui te touche est un bien pour toi. Tu sais pertinemment que c'est un bien pour toi. Et donc, endure, patiente. Patiente. Certaines personnes, ils vont réussir à endurer, à patienter dans la difficulté, dans le sport. Il est là, il fait des pompes. Au bout d'un moment, il a mal au bras. C'est normal, il a mal au bras. Et c'est là qu'il ressent une satisfaction. Pourquoi il ressent une satisfaction ? Parce qu'il sait que c'est un bien pour lui. Alors il continue à pomper, il a mal au bras, il pompe, tu es là, tu le vois, il sourit alors qu'il a mal. Parce qu'il sait que c'est un bien pour lui. Pareillement, les épreuves qui te touchent dans la vie. Les épreuves qui te touchent dans ta vie, tu sais qu'elles viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rien ne peut te toucher sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est un bien pour toi si tu patientes. C'est un bien pour toi si tu patientes. Alors patiente, remercie ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et il faut savoir, barakallahu fikoum, qu'il y a plusieurs types de patience. On l'a déjà vu, on l'a déjà répété plusieurs fois. Quels sont les trois types de patience? On l'a vu ici, on l'a vu à Balata, on l'a vu à Fort-de-France. Il faudrait qu'on fasse un cours près de la rivière, comme ça on va dire, on l'a vu près de la rivière aussi. Premièrement, la patience dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois patienter dans l'obéissance. C'est pas facile de faire toutes tes prières. Tu dois venir à la mosquée. Tu dois t'arranger, faire en sorte que ton emploi du temps respecte les prières qui te sont rendues obligatoires. Tu dois patienter dans cela, dans le fait d'adopter le bon comportement. Parfois, certaines personnes vont te pousser au mauvais comportement, mais tu patientes dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc la première, c'est patienter dans l'accomplissement des obligations. La deuxième, c'est le fait de patienter en s'éloignant des interdits. En s'éloignant des interdits. Hein? Tu patientes quant au fait de rechercher de l'argent de manière illicite. Tu patientes quant au fait de tomber dans des péchés, que ce soit la fornication ou les conversations illicites ou le fait de regarder les femmes, etc., etc. Tu patientes et tu t'éloignes des péchés. Tu t'éloignes de l'alcool, tu t'éloignes de la musique, etc., etc. Et ça, ça demande de la patience et de l'endurance. Et troisièmement, et c'est le sujet du chapitre, le fait de patienter face aux épreuves qui nous touchent. Le fait de patienter face aux épreuves qui nous touchent. Et donc, concernant le verset que l'auteur a choisi, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. » وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Aucun mal ne touche sans la volonté d'Allah. Aucun mal ne touche, donc les êtres humains, sans la volonté d'Allah. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et certes, Allah connaît toutes choses. Et donc, on comprend de ce verset, « Barakallahu fikoum » que tout mal qui va toucher l'être humain, tout mal qui va te toucher, dépend de la volonté d'Allah. Comme on a dit précédemment, tout mal qui te touche dépend de la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et donc du fait que Allah ait permis cela. Et cela nous montre, barakallahu fikoum, que cela est lié à une sagesse. Car tout ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, fait, il le fait avec sagesse. Tout ce qu'il décrète, tous les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala sont liés à une sagesse. Et donc ça t'aide à patienter. Allah tabaraka wa ta'ala a créé Iblis, Shaitan. Le fait d'avoir créé Iblis, Shaitan, cela est lié à une sagesse. Comment ça, le fait de créer Iblis? Oui, parce que cela permet de distinguer les serviteurs, les bons des mauvais, qui sont ceux qui vont suivre Iblis et qui sont ceux qui ne vont pas le suivre. Le fait de faire la différence entre les bons et les mauvais. Et donc oui, il y a une sagesse en cela. Il y a plusieurs sagesses en cela même. Et donc dans tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète, il y a une sagesse. Et donc tu sais que ce mal qui t'a touché ne t'a touché que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ne t'a touché que par rapport à une sagesse venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors patiente. Et aussi on comprend dans ce verset, barakallahu fikoum, que ceux à qui la guidée a été accordée, et ceux à qui la réussite a été accordée, ce sont les endurants. Ce sont les endurants, ceux qui patientent. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tout de suite après avoir cité l'épreuve, et le fait que l'épreuve touche l'individu par sa permission, Allah il nous dit « Wa man yu'min billahi yahdi qalbah » et celui qui croit en Allah, et donc qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, en ce qu'il a décrété, celui qui accepte cela, alors Allah guide son cœur. Allahu Akbar. Tu veux qu'Allah il guide ton cœur? Accepte l'épreuve qui te touche. Patiente et endure. Et donc voilà les gens à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la réussite. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Wallahu bi kulli shay'in alim. Et certes, Allah connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Et donc, il connaît tout ce qui va toucher les serviteurs, comme bien ou mal. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Car celui qui t'accorde tout ce dont tu as besoin, il sait pertinemment que tu as été touché par telle et telle épreuve. Ne t'inquiète pas, endure et patiente. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit « Wa fi sahihi muslimin an abi hurayrata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqal ithnatani fi nasi huma bihim kufrun » الطعن في النسب وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. Et donc dans le sahih de l'imam muslim, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux caractéristiques chez les gens qui sont du kufr, de la mécréance. At-ta'amu fil ansab, le fait de critiquer les lignées. Le fait de critiquer les lignées, tu critiques la lignée d'une personne. Ça, c'est du kufr. Ici, la lignée d'une personne, un tel qui vient de tel père, de tel père, de tel... Donc la lignée, l'affiliation d'une personne. D'accord? Et certains vont donc critiquer cela. Parfois, donc certains vont critiquer cela injustement. Et ça, c'est répandu. Une personne qui vient d'une lignée dans laquelle il n'y a pas de fornication. Il n'y a pas de fornication dans cette lignée. Un tel qui était marié avec une telle a eu tel enfant. Marié avec une telle a eu tel enfant. Marié avec une telle a eu tel enfant. Et il y en a un qui arrive et qui traite un tel de fils de prostituée. Lorsqu'il va prononcer cette insulte, il va directement critiquer la lignée de la personne. Directement critiquer la lignée de la personne. Et ce péché est grave. Et il est répandu. Les jeunes aujourd'hui, pour eux, c'est comme s'ils disent bonjour. Il y en a même, ils vont saluer, et tout de suite après la salutation, ils vont prononcer cette insulte. Et ils vont tous rigoler. Ils rigolent. Même celui qui s'est fait insulter, il rigole derrière. Et donc ça, c'est du kufr, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est voulu par kufr, ici, ce qui est voulu, c'est kufr ni'ma, c'est l'ingratitude. Le fait d'être ingrat envers Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à une personne une lignée. Et qu'on vient, on critique cela. Et ensuite, la deuxième caractéristique qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ni'ahatu al-mayyit, les lamentations concernant le mort. Les lamentations concernant le mort. Qu'est-ce que les lamentations concernant le mort? Les savants nous disent, et cher Oumed ici, il nous dit, donc, c'est le fait de montrer les qualités et tout ce que le mort a fait durant son vivant, mais tout cela pour se plaindre et par non-acceptation du destin. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, et on n'accepte pas le destin. Les hommages. Quand on rend hommage à quelqu'un. Pas forcément. Ou alors les hommages, quand on rend hommage à quelqu'un, on dit oui, c'est... On va citer le bien qu'il a fait, etc., etc., etc. Mais attention, ce n'est pas que le fait de citer le bien de la personne. C'est le fait de citer le bien de la personne pour se plaindre de sa mort. Ah. D'accord? Du style... Pourquoi il est mort? Ouais, bon, il a fait tout ça de bien, etc., etc., etc. Il ne méritait pas ça, etc. Et donc, c'est le fait, tout ce qui montre la non-acceptation du destin. Comme le fait de se frapper le visage. Ça, ici, on ne connaît pas trop, en enseignant. On ne connaît pas trop. Mais au Maghreb, il y a le fait que parfois, les femmes, par tristesse d'avoir perdu un proche, elles vont se frapper le visage. Griffer le visage. Déchirer les vêtements. Etc. etc. etc. Et tout cela, ça fait partie de Niyaha al-Mayyid. Les lamentes, de se lamenter concernant le mort. Tu es touché par la perte d'un proche. C'est une épreuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordée. Tu dois donc patienter et endurer. Et savoir que ce mal qui t'a touché, cette difficulté, est lié à une sagesse. Allah t'éprouve et regarde quelle sera ta réaction. Il connaît déjà ta réaction. Mais il la met en évidence. Tabaraka wa ta'ala. Alors efforce-toi d'avoir une bonne réaction dans l'épreuve. Et ici, il y a une parole que j'ai déjà lue ici dans cette mosquée, qui est citée dans le Mousnad de l'imam Ahmed. La parole d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jalil ibn Abdillah, qui nous dit كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. Subhanallah. Il dit, certes, nous c'est qui? Donc un compagnon qui parle en disant, certes, nous. Un compagnon qui parle? Ouais. Qu'est-ce qui est voulu par nous? Les compagnons. Voilà, les compagnons. Et donc s'il dit nous, ça veut dire que c'était connu et répandu chez les compagnons. C'était donc connu et répandu chez ceux que Allah nous a ordonné de suivre. Qu'est-ce qui était répandu chez eux? Le fait de juger les rassemblements qui sont faits chez la famille du mort après l'enterrement et de préparer un repas pour cela, il jugeait que cela fait partie des lamentations. Il jugeait que cela fait partie des lamentations. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout. À tel point que quand tu veux aller donc consoler une personne qui a perdu un proche, pour réussir à y aller à un autre moment que dans ce rassemblement, c'est devenu difficile. Et donc tu vas te retrouver à aller dans le rassemblement, mais les savants, ce qu'ils disent, c'est que tu ne vas pas pour y rester. Tu y vas, salam alaykoum, a'zam Allahu ajrakoum, qu'Allah vous accorde une grande récompense, qu'Allah vous accorde la patience, etc., etc. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible pour vous, etc., etc. Et ensuite, ça va, écoute, tu pars. Et donc, tu vas voir les gens, tu les salues, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous, etc., etc. Et hop, tu pars. Mais rester là, comme les gens ils font aujourd'hui, surtout en plus chez nous, en Martinique, Allah vous musta'an, avec les veillées, l'alcool, et tout ce qui s'engendre, la musique, etc., etc. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse très attention. Qu'on fasse très attention à respecter les recommandations de notre... Donc, d'Allah tabaraka wa ta'ala, de suivre le prophète qu'il a envoyé et d'être en accord avec ceux, avec les élèves de son prophète. Ce que lui-même, Allah tabaraka wa ta'ala, nous a ordonné de suivre dans son livre. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, wa lahuma. Et donc, la Huma, Al-Bukhari et Muslim, dans le recueil d'Al-Bukhari et Muslim. Selon Ibn Mas'udin radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laysa minna, man daraba al-khududa wa shakka al-juyuba wa da'a bida'wa al-jahiliya. Ne fait pas partie des nôtres. Celui qui frappe les joues et qui déchire les poches et qui fait des appels aux pratiques anti-islamiques. Et donc celui qui, dans l'épreuve, va montrer... Ici, le prophète nous montre un exemple. Mais et c'est ce qui était connu donc, chez les gens de la période anti-islamique. Une épreuve les touche, notamment les femmes dans la difficulté, le fait qu'elles sont très sentimentales. Et donc, lorsqu'une épreuve les touche, alors elles se tapent le visage. Elle se tapait le visage, déchirait les poches, etc. Et donc, ici, il nous a été interdit de faire cela, de montrer une forme d'insatisfaction face au décret d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Je ne veux pas dire qu'il est interdit de pleurer. Non, tu peux pleurer. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son fils Ibrahim est mort, il a pleuré. Il a dit, « Inna al-ayna tadma', certes, les larmes coulent. Walqalba yahzan. Et certes, le cœur s'attriste. Wala nakulu illa ma yurdillah ta'ala. Et nous ne disons que ce qui cause la satisfaction d'Allah ta'ala. » Et donc, oui, tu peux être triste par rapport à cette perte. C'est normal. Tu peux pleurer. C'est normal. Mais fais attention à ce que tu dises et ce que tu fais soit en accord avec les recommandations d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. L'auteur qui nous dit « Wa an anasin radiallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqal » إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة إذا قال أنس رضي الله عنه que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur alors il lui précipite sa punition ici-bas. Et lorsqu'il veut le mal pour son serviteur, alors il retient la punition du châtiment et lui accorde cette punition dans l'au-delà. Et donc, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala veut ton bien, tu seras éprouvé ici-bas par rapport au mal que tu as accompli. Par rapport au péché que tu fais, tu es touché ici-bas. Afin que tu ne sois pas touché dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, la sanction elle est plus lourde. La sanction, elle est plus lourde. Et nous dit, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. Il dit, صلى الله عليه وسلم, certes, la récompense énorme est liée à l'épreuve énorme. Nous, on veut des grandes récompenses sans épreuve, sans rien. On veut être là, jamais on est touché par des difficultés, jamais on a une larme qui coule, la vie est belle, tout le temps en train de sourire, et à la fin on a une grande récompense. Eh bien non. Il faut qu'on soit touché par l'épreuve, et qu'on patiente, qu'on endure dans la difficulté. Et il continue, sallallahu alayhi wa sallam. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم et Allah lorsqu'il aime des gens il les éprouve فمن رضي فله الرضا alors celui qui est satisfait de cette épreuve celui qui est satisfait alors il aura la satisfaction c'est-à-dire la satisfaction d'Allah تبارك وتعالى ومن سخط فله السخط et celui qui n'est pas satisfait celui qui se plaint de cela, alors il aura est sourde la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hadith jugé Hassan par At-Tirmidhi. Et donc on comprend barakallahu fikoum que Allah tabaraka wa ta'ala quand il aime les serviteurs, il les éprouve. Et le fait d'endurer est une cause qui entraîne l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui aussi permet l'expiation des péchés. Voilà pourquoi il est important qu'on endure et ça dans toutes les épreuves que nous avons. La difficulté, parfois certains sont éprouvés dans l'accomplissement des obligations. Tu dois patienter, éprouver et continuer à accomplir tes obligations. Ne pas délaisser ce qu'Allah t'a ordonné de faire par manque d'endurance face aux critiques des êtres humains. Tu dois endurer face aux critiques des êtres humains. Et rester fort. Et ceci est une des caractéristiques des pieux. Une des caractéristiques des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a cité deux, « La yakhafuna laumata la'im » Ils n'ont pas peur du blâme de tous ceux qui vont les blâmer. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Moi, je fais ce qu'Allah, il m'a demandé de faire, un point, c'est tout. Tous les autres, ils peuvent parler. Faites ce que vous voulez. Mais tu dois endurer dans cette difficulté, dans le fait que les gens vont parler. Tu dois endurer dans le fait que parfois tu vas être éprouvé dans ta famille, dans tes biens, etc. Et pour finir, en comprenant cela aussi, barakallahu fikoum, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, on comprend la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a placé de la miséricorde même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve qui te touche, il y a en cela de la miséricorde. Et d'ailleurs, il y a le hadith qui est connu. Rien ne touche le musulman. Que ce soit donc une douleur ou de la fatigue, de l'inquiétude, de la tristesse ou une injustice, ou même donc une épine qui va le piquer, rien ne le touche sans que cela va être pour lui une expiation de ses péchés. Une expiation de ses péchés, comme cela a été cité dans Al-Bukhari et Muslim. Et donc, barakallahu fikoum, ça nous montre quoi? Ça nous montre tout simplement que nous devons patienter dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, obéir à notre Seigneur, rechercher les causes de satisfaction, et n'oubliez pas la grande récompense accordée aux endurants. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, wa bashiris sabirin, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Aux endurants. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer donc le chapitre concernant, on va prendre la semaine prochaine, inshallah ta'ala, le chapitre concernant Erbiya, l'ostentation. Innillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.